29. Le bazar et ses règles. Lu par François Schnell. Le bazar et ses règles. Le succès du mode de production des logiciels libres, appelé style bazar, par opposition au style cathédrale, des entreprises hiérarchisées adeptes de l'appropriation, n'est pas survenu par hasard. L'avènement de l'Internet grand public est évidemment l'un des éléments clés d'explication. Les réseaux ont assuré au logiciel libre un canal de distribution rapide et peu onéreux, capable d'acheminer les dernières versions et de recevoir aussi vite les améliorations, suggestions et corrections en provenance des utilisateurs. Reste la question centrale. Qu'est-ce qui pousse des milliers de gens dans le monde à contribuer au développement de logiciels mis à disposition. Selon le professeur de droit Eben Moglen, l'un des proches de Stallman, c'est juste un comportement humain, semblable à la raison pour laquelle nous inventons tous de nouveaux mots, parce que nous en sommes capables. L'homo ludens rencontre l'homo faber. La condition sociale de l'interconnexion globale, que nous appelons l'Internet, rend possible la créativité pour chacun d'entre nous dans des voies que nous n'envisageons même pas en rêve, à moins que nous n'autorisions la propriété à interférer. Moglen souligne ici la part naturelle de la créativité, le jeu, le plaisir et la satisfaction de ses propres désirs. Les premiers concepteurs d'un logiciel répondent le plus souvent à un besoin propre. La mise à disposition de leur travail n'est qu'un moyen de donner un essor à leur création. Cet aspect est complété par la conviction de faire partie d'un jeu à somme positive, une croyance déjà observée dans le cas de la soierie lyonnaise. Les logiciels libres montrent aussi la diversité des incitations à contribuer aux travaux collectifs plutôt qu'à se contenter du free riding, expression qualifiant les comportements parasites où l'on profite du libre accès sans soi-même apporter son savoir-faire à la communauté. La redistribution symbolique y est très forte, car les logiciels libres sont crédités et les plus brillants des programmeurs sont vite identifiés, à la fois vénérés par leurs pairs et dragués par des entreprises désireuses d'attirer leurs compétences. Tout aussi important est le sentiment de liberté procuré par la participation à un projet de logiciel libre. À cela s'ajoute, comme le soulignent Dominique Forêt et Liliane Hilaire-Pérez, que les contributeurs accordent de la valeur au sentiment de contrôle sur la direction de leur travail, ce qui fait une grande différence avec la nature du travail effectué par une entreprise. Les membres de telles communautés choisissent le projet, la tâche sur laquelle ils vont travailler et l'approche technique de cette tâche. Fin de citation. Enfin, ce n'est pas la moindre des caractéristiques du libre, le bazar a séduit des entreprises qui ont vu un moyen de gonfler leurs profits. C'est le cas d'IBM, pourtant archétype de la cathédrale, qui a apporté un bruyant soutien à Linux dès 1999. Comme d'autres, IBM a vu quel intérêt tirer d'un tel modèle. Elle ne vend pas à proprement parler Linux, mais des services basés sur le système d'exploitation. Formation, installation, adaptation. Le mariage de la cathédrale et du bazar a enfanté une forme originale d'économie mixte. Les projets les plus ambitieux sont soutenus par des fondations. Ils reçoivent alors des contributions émanant de militants et d'utilisateurs, mais aussi d'entreprises et de gouvernements. De la même façon, le statut des développeurs est très varié et se croisent au sein de ces communautés des bénévoles, des salariés d'entreprises ou des chercheurs de laboratoires publics.